Que le Seigneur soit loué. Si nos frères techniciens peuvent vraiment s'arranger pour que la connexion passe. Je vois beaucoup de plaintes, mais la connexion ne passe même pas. Je ne sais pas ce qu'il y a. Ça va, tu n'as pas qu'un Nduku Deborah. Nous recevons les frères Deborah. Combien se souvient encore de Frère Deborah? Ah, c'est presque la majorité. Batuboti. Il n'est pas seul, il est accompagné de la sœur. La sœur pouvait tenir debout. Dada est où? Elle est là, sœur. L'autre fois, ils étaient là, et la belle-mère. Êtes-vous dans la joie de les recevoir et les saluer dans le nom de Jésus-Christ? Amen. Que le Seigneur bénisse. Approchez Nduku. Ce soir, je salue l'Église dans le nom de Jésus-Christ. Spécialement, je suis encore rempli de joie d'être au milieu de vous. Je ne suis pas visiteur ici. Je suis l'un des enfants de cette maison. Que Dieu bénisse notre ancien. Et je lui dis sincèrement merci pour la confiance qu'il a renouvelée en nous. Pour nous tenir devant vous et partager la parole de Dieu. Je vous apporte nos salutations, les salutations de notre ancien Kazumba, Delikasi. Le frère Jean-Jacques Chemash. Le frère Seya. La sœur Myriam, la sœur Jeannette, le frère Luc Kalonda, et le frère Pascal Koji, avec l'assemblée de Moussompo, nous étions là la semaine passée, le frère Job, ainsi qu'à l'assemblée de Luankoko, notre frère Ndamu, de notre assemblée de Lusaka, le frère Mbale, notre frère James, de l'assemblée de Kitwe, notre frère Chilefi Frank, de l'assemblée de Ndola, et notre frère Simon, de l'assemblée de Chililabombwe. Ils m'ont chargé de vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons nous lever. Nous saluons également les frères et sœurs qui nous suivent à partir de l'Internet au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel Kumi Namnani. Versets 31 à 32. Nous allons prier. C'est vrai, notre Dieu. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce qu'il y a l'un qui est mort pour nous à la croix. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus. Et à travers ta mort, le sang que tu as versé, à la vie que tu as offerte, ce n'est pas pour que nous soyons perdus. Tu as payé les prix pour que tu puisses être sauvé et pour que tu puisses avoir la vie éternelle. entré, même au ciel. Et tu as dit, tout est accompli. Ta mort à la croix. Il a tout haki la sainteté. Pour être là. Pour avoir le pardon de nos péchés. Pour avoir la sainteté. Pour le salut, la certitude d'être enlevé. Nous sommes l'Église. C'est l'église pour laquelle tu es mort. Bénis-nous ce soir. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Bénis le berger de cette église à distance. Bénis l'ancien qui est resté avec la charge. Bénis tes serviteurs à part. Souviens-toi de moi aussi. Sorte-moi de la scène. Tu connais la soif et faim. Et même les désirs de cette église. Et utilise-moi pour que ton peuple soit béni. Et que l'honneur, la gloire puisse t'élever. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Restons debout. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Verset 31-32. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Chacun puisse faire un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël? Israël. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Que Dieu bénisse sa parole. Un cœur nouveau et un esprit nouveau. Moyo mupia na ro mupia. C'est ça le sujet de notre prédication. Mon frère bien-aimé, ma soeur, les expériences chrétiennes, parmi les expériences, première expérience qu'un enfant de Dieu peut faire, c'est la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle essence. Un cœur nouveau, Amen. Un esprit nouveau. Amen. En dehors ya hii msingi, nje de ces fondements, bu Kristo bote bule tunaweza kujenga nje ya kuzaliwa kupya ni bu Kristo mwabia bongo. La chrétienté que nous pouvons fonder en dehors de la nouvelle essence, c'est faux. Est-ce que tout pamoja ni ça? On est ensemble l'église. Ma toi ya kwanza ya maisha ya bu Kristo. Le premier pas de la vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance. Et ça, ça se passe lorsque vous rencontrez Jésus-Christ à la croix. Et lorsque l'enfant de Dieu croise le Seigneur Jésus comme sauveur personnel de sa vie, il lui donne une chose très spéciale, ce que le monde ne peut pas nous accorder. Alléluia. Amen. Ce que l'Église ne peut pas nous accorder. Ce qu'un prédicateur ne peut pas nous accorder. Seul Dieu peut nous donner cela. Et cette chose-là, c'est la vie éternelle. Frère, il n'y a jamais une chose très importante plus que la vie éternelle. C'est pourquoi vous entendez notre Seigneur Jésus. Dans Matthieu chapitre 16. Verset 26. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier pour perdre son âme à la fin? Ça ne vous servira à rien. C'est pourquoi ce qui est très important, ce n'est pas commencer d'abord à servir Dieu, non. Servir Dieu sans avoir l'expérience de la nouvelle naissance, c'est une séduction. Il est nous tongozi. Et la nouvelle naissance, na kuzali koma la pili, ce n'est pas un enseignement. Aina mafundisho, ce n'est pas une prédication. Aina maubiri, ce n'est pas une bonne leçon. Aina mafundisho tunzuri. Non, mes frères et sœurs. Pana nduku na dada yangu. La nouvelle naissance, kuzali koma la pili, est une expérience personnelle. Onjo ya muntu pa upeke, entre chaque homme et kila mutu pa lwake, et le Seigneur Jésus-Christ. Na Mungu na Bwana Yesu. Mukale kanjia ni kaloko sana. Cette chemin-là, elle est vraiment petite. Elle est étroite. Que Kaloku. Il n'y a pas moyen que trois personnes puissent y entrer là-bas. Pas comme tout moyen. Il n'y a qu'une telle personne. Avec le Seigneur Jésus. Lorsque vous rencontrez. Et le problème s'opère là-bas. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, Frère Manam donne un exemple. Concernant la nouvelle essence. Angaria, vous allez comme à la pire. Regardez un chasseur. Lorsqu'il est en train de chasser en brousse. Lorsqu'il frappe sur un animal, il tire au bras. Ou sur ses pattes, cet animal sera blessé, mais il va rester en train de boiter, il ne va pas mourir là-bas. C'est au fur et à mesure, peut-être il va mourir. Est-ce que tu on est ensemble? Mais lorsque le bal atteint au cœur, c'est sur le champ que cet animal va mourir. Il dit, et c'est comme ça dans les choses des yeux. Lorsque ces balles vous atteint à la tête, quelqu'un peut rester mongol, anormal. Ah, il a des problèmes très difficiles, mais on lui a déjà baptisé, mais il a toujours des problèmes. Mais ce qu'il fait, si on te dit, tu seras même étonné. Il n'est pas question qu'on puisse te dire que tu es né de nouveau. Ici, tout homme, frère, sœur, celui qui a fait véritablement l'expérience avec Dieu, il sait ce qui s'est opéré en lui. Et s'il y a les enfants de Dieu, ils sont là réellement, ils se réjouissent des expériences authentiques. Ça ne va pas nous servir. On peut savoir que Dieu a promis sans expérimenter ses promesses-là. Ça ne va pas nous servir. C'est pourquoi Mungu a tout servi. Quoi que Dieu nous aide, pendant que nous sommes en train de parler, la parole de Dieu, c'est vraiment une miroir. Et chacun de nous est devant ce miroir en train de se mirer. Il n'est pas question d'être baptisé. Parce que le baptême, nous avons déjà baptisé tout le monde. Et le voleurs, on les baptise. Ils sont toujours au milieu de nous. Et même les adultères, nous les avons déjà baptisés. Ils ont fait semblant de croire, mais ils sont encore au milieu de nous. Mais c'est lui que nous avons baptisé véritablement. C'est celui qui a commencé à parler après avoir rencontré Jésus. Alléluia. Amen. Un échange de vie s'est opéré. Jésus t'a donné sa vie éternelle. Et c'est ce qui est très important. Mais si la balle de la parole de Dieu a touché au cœur, c'est sur le champ que tu vas mourir à ta nature charnelle. La vie de Christ, elle est entrée. Et tu n'as pas besoin de dire aux gens, pourront rester calmes et observer ta vie. Alléluia. Amen. Il n'est pas question de connaître des mystères. Lorsqu'on enseigne à un homme des mystères qui n'est pas encore né de nouveau auparavant, il sera comme un mongol lui aussi, un trisomie, il connaît beaucoup de choses avec une grosse tête. Mais ce qu'il fait, et même son père, il va en avoir marre. C'est ce que Dieu nous voit aussi. Amen. Amen. Amen. Kama Mungu anatuangalia. Si Dieu nous regarde, nous qui déclarons être enfants de Dieu, Mungu anapenda kuona bushima wa Christ. Dieu veut voir la vie de Christ à travers notre vie. Kupitia maisha yetu. En dehors de ça, inja ile, notre religion est vaine. Dini yetu ni abule kabisa. Et William Marion Branham donne l'exemple. Il dit, lorsque vous le faisiez un animal et que la balle rentre un tout petit peu, ça peut aller au-delà des 5 cm au fur et à mesure que la balle est en train d'avancer pour atteindre l'animal, le vent peut bousculer un peu la balle à côté. On est juste ensemble. La balle P, c'est être à distance un tout petit peu. Mais là où vous avez tiré, ça va aller un peu très loin. Et c'est comme ça dans les choses de Dieu. Lorsque vous commencez très mal dans les choses de Dieu, sachez que tu vas continuer à commettre des erreurs. Erreur arrivée sur le point, tu vas te fatiguer et laisser ça, abandonner et retourner même dans le monde. Si tu n'as pas le courage de rentrer, tu vas rester seulement ici. Et beaucoup de difficultés que nous avons aujourd'hui, ce sont des gens qui sont dans l'église, qui ont déjà fait longtemps. Mais auparavant, ils n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Amen. Lorsqu'on prêche sur la guérison divine, tout homme voudra expérimenter la guérison divine. N'est-ce pas ça, l'Église? Tout homme est qu'on a étage pour Pogna. Mais il y a quelque chose qu'il faut madame dire. Qu'est-ce que tu commandes pour Nam? Mouma Oubiri, il y a que le Dieu de cet âge, mon fils. Dans sa prédication, Mungwa Kizaz Gibaye. Le 1er août 65. Le 1er août 1965. Monsieur, écoutez. Quelques mois seulement avant sa mort. Ma chukidog, ma mienjukidog, mais la kufa kwak. Mukachikachi mule wa ele paragraphe. Au milieu de ce paragraphe là. Mukachikachi ele paragraphe. Écoutez, je vais vous donner quelque chose ici. T'es pas tellement moi. Il dit, je te prie, Seigneur. Nakusi, maintenant. Sas. Que quand est la plus grande de toutes les guérisons. C'est kumatunzo yote amine le kabisa. Muna fata bien. Suivez. Si tu guéris ce corps physique du cancer, de la tuberculose, franquin, de la pneumonie, voilà, Kiko aussi, ou quelque chose comme cela, voilà, magonjwa mwili nam, sans doute, bila shaka, si ce corps vit encore longtemps, kama imaungu inaishi tena miaka mingi, il va encore, la personne va encore retomber malade. Ule mutu atafika tena mukugonjwa tena. S'il vit longtemps. Kama anendela na kuishi. Il tomberait encore malade. Ata lukula tena. Mais quant à la guérison. Mais lakini kwa ile nangara matunzo. De la plus grande guérison de toutes les guérisons. Ya matunzo mukubwa katikati ya matunzo yote. La guérison de l'âme. Ni matunzo ya nafsi. Est plus important que la guérison ya mafua kabisa kushindia matunzo ya mwili. Le salut. Okovu. La vie éternelle. Uzi wa milele. Cela est plus important. Il est ni à ma fa kabisa. Que la guérison de cette. Kushindia matunzo wa mwili. Pourquoi? Joanin. Il dit tu peux me guérir aujourd'hui d'une maladie, cancer, tuberculose, comme à nos jours ici. Asa mwi mashikui. Unezu ntunza kansa, kifuankien, na ima magonjwa ingine ngine. Même du sida. Ata sida yenyewe. Mais si la personne vit encore longtemps sur la terre. Mais kama ule mtu anaendelea kuishi tena mwa. Il pourra encore tomber malade. Atanguka tena atagonjwa tena. Peut-être c'est cette même maladie qui peut l'emporter. Sa zingine ni ile magonjwa mwa tarudia na kumbeba. Mais quand tu reçois la guérison de votre âme. Mais lakini kama c'est une guérison éternelle. Il est ni matunzo ya milele. Vous ne tomberez plus jamais malade. Nikusema munafsi yako utalukulaka tena. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'il nous exhorte. Je voudrais vous lire cela. Dans sa prédication, vous devez naître de nouveau. Le paragraphe 30. Il dit ceci. Il est obligatoire. Il est obligatoire que vous naissiez de nouveau. Voyez-vous, c'est une obligation. Ce n'est pas vous devriez. Ou il serait préférable que vous le fassiez. Mais plutôt, vous devez naître de nouveau. Je saute un peu. Toujours le même paragraphe là. Paragraphe. Il est tout à fait impossible. Ni mambo kushinda kana kabisa. Écoutez mes amis bien-aimés. Il est tout à fait impossible. Ni akushinda kana kabisa. À un homme d'entrer dans le royaume des cieux. Mutu apate kunya mfano wa mbingu. Ou même voir le royaume de Dieu. Wala atakona tu mfano wa Mungu. Tant qu'il n'est pas né de nouveau. Mwakati yote ashiazali kwa mara ya pili. Mambo ya bujima wa milele. Asa ki concerne la vie éternelle. Ni mambo ya kufwa au kupona. Il est question de vie ou de mort. Si aujourd'hui tu fais semblant de naître de nouveau, tu ne fais pas du tort à quelqu'un d'autre. Tu te causes du tort à toi-même. Et lorsque tu seras perdu à la fin de tes voyages, au ciel, on ne peut jamais organiser le vie. C'est toi qui vas pleurer et grincer tes dents. Pourquoi? Parce que tu t'es trompé au début. Il y a l'écriture avec laquelle nous nous consolons. Au Philippiens chapitre 1. Au Philippiens sur la Kwanza. Verset 6. Sur la Kassita. Paul dit : je suis persuadé. Miko na atikishu. Que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. Yakusema uya ranza ikazi nzuri ndani yenu. L'achèvera pour le jour du Seigneur. Ateitimiza njoo ashikwa Bwana. Maintenant notre Dieu. Sa Mungu wetu. Il est responsable. Yenjo mwenye mabuzito. Non. Eko na bujito de ce qu'il a commencé. Ya mambo la rianza. Si il n'a pas commencé. Kama yash kwanze kintu. Il ne va rien achever. Ashita maliza kintu. Le commencement de la vie chrétienne. Mwanzo ya maisha ya Kikristo. C'est la nouvelle naissance. Ni kuzali kwa mara ya pili. Alléluia. Amen. Nous devons revoir nos expériences personnelles. Tunapasha kurudia mkuangalisha maonjo yetu opeke. Avec le Seigneur. Pamoja na Bwana. C'est pourquoi vous trouverez des gens, certaines personnes. Ils sont dans l'église. Plusieurs années. Mais la vie qu'ils mènent. C'est pitoyable, frère. Qu'est-ce qui arrive? Le premier pas de l'expérience de la foi. N'ont pas été faites d'une manière authentique. Pourquoi naître de nouveau? Tout homme qui a une mère. Mutu yote uko na mama. Qui a une mère. Ule uko na mama. Il doit le savoir. Anapashi kujua. Qu'il a été né dans le péché. Yakusema alizalikiwa muzambi. Conçu dans l'iniquité. Mimba yake balibeba ni muzambi. C'est ce que la Bible le dit. Je voulais vous dire ensemble. Je peux prendre le paragraphe 40 dans le 55. Ma kumitano na tano nuta yake pa mahubiri momoni. Il dit d'abord. Anasema kwanza. Nous nous reconnaissons tous étant pécheurs. Est-ce que c'est la vérité ça? Et méritant la condamnation. Na tunastahili hukumu. Turistahili hukumu. Hukumu yetu Yesu alishakubeba kwa msalaba. Jésus-Christ a déjà pris notre condamnation à la croix. Tu es batoto ba Mungu wote wamezaliwa mara ya pili. Né de nouveau. Abana tena na hukumu yulu yao. Ils n'ont pas la condamnation sur eux. Alléluia. Romains 8, Romains 8 nous dit ceci. Anasema, il n'y a donc plus la condamnation pour ceux qui vivent dans le Seigneur. Il n'y a plus de condamnation. Et nous sommes tous nés dans le péché. Et formés dans l'iniquité. Il n'y a rien de bon en nous. Nos pensées sont mauvaises. Notre âme est corrompue. Nos pensées sont constamment mauvaises. L'imagination de l'esprit de l'homme. Du pécheur. Est mauvaise. Notre corps est aussi faible. Notre esprit n'est pas bon. C'est pourquoi il dit, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Alléluia. Amen. L'homme peut-il être juste devant celui qui l'a créé? C'est impossible. Si Dieu veut regarder chacun de nous selon ce voie, personne ne sortira vivant. Tel que Jacques chapitre 1 le dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, il bronchera même dans la pensée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de nous rassurer que réellement nous avons rencontré le Seigneur et il nous a donné quelque chose de très important que le monde est incapable de nous donner. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous avons encore le temps de nous regarder dans le miroir de la parole pour savoir si ces expériences ont été faites d'une manière authentique. ça ne sert à rien Abita Saïdia de servir le Seigneur sans pour autant faire l'expérience de la nouvelle naissance. Bila kufanya onja kuzaliwa mara ya pili. Ça ne sert à rien Abita Saïdia de chanter la chorale kwanza kuimba tukukwaya ou de prêcher wala kwanza tukubiri. Ce n'est pas l'effet de prêcher aina tu kujua kuhubiri qui te garantit le ciel. Joko na kuhakikisha sote ingia kumbingu. Même si tu es ministre hata kama uko mhubiri tant que tu n'as pas fait l'expérience de la nouvelle naissance wakati yote kufanya onja kuzaliwa mara ya pili tu es loin du royaume de Dieu. Uko mbali na ufalme wa Mungu. C'est ce que le Seigneur a dit à Nicodème. Je le Bwana mwambia Nicodème. Jean chapitre 3. Yohana sura ya 3. Verset 3. Musa ya 3. Jésus dit à Nicodème. Yesu akamjibu Nicodème. Jésus lui répondit. Yesu akamjibu. En vérité je te le dis. Kweli kweli ninakwambia. Si un homme n'est né de nouveau, kama mtu asizaliwe mara pili, il ne peut voir le royaume de Dieu. Hawezi kuona ufalme wa Mungu. Le verset 5. Musa ya 5. Jésus répondit. Yesu akajibu. En vérité, je te le dis. Kweli, kweli, ni kuna kuambia. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, kama mtu asizaliwe kutoka maji na roho, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Hawezi kuingia mfalme wa Mungu. Nicodème dont on parle ici. Nicodème mtu asemezi hapa. N'était pas n'importe qui. Ashikuwa mtu wa bule bule. Il était un docteur de la loi. Alikuwa mwalimu wa sheria. Un ministre de la parole. Alikuwa mhubiri wa neno. Et ce n'est pas ça qu'il avait garanti le ciel. Jésus dit, malgré que tu prêches, ce n'est pas cela qui te garantit le ciel. Si tu ne nais de nouveau, tu ne vas pas entrer dans le royaume de Dieu. Si Jésus a dit cela à Nicodème, est-ce que nous allons échapper aujourd'hui? Non. Il faut que le Seigneur nous aide. Il a fallu Mungu atusaidie. Parce que les bonnes expériences, sababu maonjo ya mzuri, c'est entre l'homme ni pale muntu et Dieu. Na Mungu. Et pour naître de nouveau, na Dieu kuzaliwa kwa mara pili, il y a un chemin tracé. Kuko kanjia wala bashapasura. Il y a une processus de la mort. Kuko maandamano ya kufa. Nous devons mourir. Tunapasha kufa. Au vieux système. Kuile atabia zamani, à tout ce que nous avons hérité de nos pères. Il ne faut pas te glorifier de quelque chose de négatif. C'est frère, mine, kalaka bishilani sana. Moi, je suis très colérique. Apona nyona, mina fwana nkambo yangu. Je ressemble à mon grand-père. Mina fwana nkambo yangu sana. Je ressemble à mes ancêtres. Jo vina likuyaka. C'est lui, il était aussi comme ça. Unapasha kushikia haya. Tu dois avoir d'abord honte de ça. Na unalomba Mungu ase unisaidie. Et prier que Dieu t'aide. Hii haina tabia ya batoto wa Mungu. Pas la nature des enfants de Dieu. Ama mtu anazalika bila kweli. Un homme est né véritablement. Awezi kuamka tu leo. Tu peux pas te réveiller ce matin de matin. Ufike mu nyumba ya frère. Et arrivé dans Josué. La maison de frère Josué. Umwambia sema frère. Et lui dit nduku. À partir de Léo, à partir d'aujourd'hui, il a quoi, mon toto yako? Je suis devenu ton fils. Est-ce que quand il pèse tout, vous allez accepter? Frère Josué, Frère José. Vous n'allez pas accepter? Am Teichika. Il fallait que vous arriviez comme une nyumba yake. Il faut que tu puisses naître dans sa maison. Tu as semé bien quoi ou comme toto yako? Véritablement, tu es mon fils. Ataka machiseme. Même s'il ne le dit pas. Pourquoi aussi ya no mapatano? Il y a cette liaison. Katikati ya mutoto. Entre le fils. Na baba yake. Et son père. Ataka matuseme. Même si je le dis tu pas. Tu n'es kimia. On reste calme. Mais bien tout on a foigné. C'est ce que nous faisons. Kusema, tu on attend ton mamou bien quoi. Nous sommes les enfants de Dieu. Aina mambo ya kudeklarer. Il n'est pas question de dire. Mambo ni kuzalika le problème c'est naître dans la maison de Dieu. Kunyumba ya Mungu abengiake mpaka ifyapana. Dans la maison de Dieu on n'y entre pas comme ça. Afazali kuzalikwa. Il faut naître. Juu pate tabia ya baba yako. Pour avoir la nature de ton père. Paka ulizalikwa kwa damu ya baba yako. Si tu étais né seulement du sang de ton père. Est-ce que tu peux m'organiser? On est ensemble l'église. Juu ya kusema kumtoto wa Mungu bia kweli. Tu es un enfant de Dieu authentique. Afazali uwe mwenye kuzalikwa kwa roho ya Mungu. Il faut que tu sois né de l'esprit de Dieu. Na kwa neno ya Mungu. Et de sa parole. Na kuzalika kwa mara ya pili ndugu na dada. Et la nouvelle naissance. C'est la promesse que tu as faite. Si nous regardons dans Ézéchiel, chapitre 36, 36 verset 26. Le Seigneur dit ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai dans votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Na mutumikie ma sheria yangu. Après le salut, kisha uko. On ne peut plus jamais se glorifier du péché dans lequel nous vivions autrefois. Si vous trouvez quelqu'un en train de se glorifier de ce qu'il était autrefois, kama mutu dans le cœur de cette personne, il n'y a rien de Dieu. Yake, amuna kitu kia Mungu. Pas la tâche qui amène. Même si ce n'est pas amen, ça c'est la vérité. Verset 31. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût. On a dit chikia aïa. Que Dieu nous aide. Mambo ya kufanya ni kuitikia kufua. Le problème, ce que nous devons faire, c'est accepter d'abord de mourir. Il fallait kwenda kukutana na Yesu kumusalaba. Peut-être il faut aller rencontrer Jésus à la croix. Unakufa kumatama ya kidunia. D'abord à convertir charnel. Comment mtoto wa Mungu anasema ni mwenye kuzalika mara ya pili? Un enfant de Dieu qui s'est dit naître. Mais bile bapagano bango na fwa. C'est que le païen font. Na yeye anavifanya. Lui aussi il est fait. Ata? Non. Imani ndani ya neno ya Mungu. La foi dans la parole de Dieu. Ndio natupatia uwezo ya kutunyanyua juu ya dhambi. Pouvoir de nous élever au-dessus du péché. Alléluia. Amen. Ndio natupatia uwezo. Force ya kutembea yulu ya mazambi. De marcher au-dessus du péché. Yulu ya hukumu ya dunia. Au-dessus de la condamnation de Kile watu ya dunia bado nafanya. Sasa que les gens de ce monde. Sasa bado kuzalika tuwezo kujifanya. Né de nouveau ne faut pas le faire. Oh là là. C'est que le modèle font. Ou la voie dans laquelle le modèle suit. Lorsque vous êtes de nouveau, vous ne pouvez pas emprunter encore le voie, cette voie. Maintenant, vous, vous travaillez avec un païen. Ils sont en train de concilier le plan pour toi. Et toi aussi, tu acceptes. Et après, Kisha, tu dis à ces païens, je pars à l'église. N'est-ce pas, il va se moquer de nous tous. Alors que mambo ni wewe moyo njoo kufo muroya. Le problème c'est toi-même, tu es faux dans ton cœur. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Na lufwa ina kintu kiateketeke. Et la mort c'est pas facile. Bantu mingi bao nakatala kufwa. Beaucoup de gens sont en train de refuser de mourir. Na njoo kupata bushima. Et pour avoir la vie. Ni mzuri mbele wewe mwenyewe ukufu. Le mieux d'abord de mourir toi-même. Que Christ abebe ile fwashi yako. Que Christ puisse prendre ta place. Aina tena wewe utaanza kuishi. Tu ne commenceras pas à vivre. Ni Christ ndio ataishi maisha yake ndani yako. Va vivre sa vie en vous. Alléluia. Ah. Njoo kwa maana alisema bila niye sans moi. Amutaweza kitu. Vous ne pouvez rien. Bila roho ya Mungu. Sans l'esprit de Dieu. Atutaweza kitu. Nous ne pouvons rien. Si nous voulons vivre la vie de Christ, c'est Christ qui viendra vivre sa propre vie, notre vie. Petit Achille, lorsqu'il entre dans le cœur, tu étais voleur et le vol va s'arrêter. Il entre dans ton cœur, tu étais adultère, l'adultère va s'arrêter. Si tu étais un homme haineux de conflit, lorsque quelqu'un rencontre Christ, première expérience qu'il va faire dans son cœur, c'est de mourir d'abord. Lorsqu'il va mourir, première semence que Dieu va planter dans son cœur, c'est l'amour. C'est ça la nature de Dieu. Pour savoir que tu es né véritablement de nouveau, regarde si dans ton cœur il y a l'amour. Et l'amour dont nous parlons, ce n'est pas l'amour de partager, c'est l'amour d'aimer la parole de Dieu. Tu aimeras les choses de Dieu. Tu vas aimer les enfants de Dieu. Tu vas aimer le royaume de Dieu. Tu vas aimer même sa parole. Que Dieu nous aide. Le point 67. Nous t'aimons comme ici dans la salle. Oui. Dio. Pour naître de nouveau, vous devez passer par le processus de la mort. On n'a pas ça que par mandamana kufwa. Tout doit passer par là. Yo, tu n'as pas choisi à parler. Akuna na muna ya kuepuka. Y a pas moyen d'échapper. Prenez un grain de maïs. Beba mbeko amwinji. Si ce maïs espère revivre. Kama ile mbeko napenda kuishi tena. Il doit d'abord mourir. Ile mwinji na pas kufwa. Et si un grain de blé. espère revivre. Il est absolument impossible de vivre sans passer par la mort. Aïwezikane. De vivre sans passer par la mort. Le grain de maïs. Le grain de blé. La fleur. Voilà, l'arbre. Mouchi. L'herbe. Mayani. Les légumes. Voilà, ma légumes. Mboka mayani. Tout ce qui espère revivre. Tout doit passer par la mort. Yote il n'a pas pitié à kulufu. Alors. Ça, comment allez-vous y échapper? Ça, ça mouille. Moutepuka il est namna kani. Amen. Amen. Kama kiumbe kiote. Tout créature. Mouchi. Que ce soit l'arbre. Mboka ya mayani. Que ce soit les légumes. Wala mayani yenye. Que ce soit les herbes. Minji. Les maïs. Malak. Le haricot. Mina ya se balima jibe kwa katikati yetu. Je sais que nous avons beaucoup de cultivateurs. Lorsque vous mettez la semence en terre, avant que ça puisse germer, ça doit d'abord pourrir et mourir. Na inaoza. Mourir et pourrir. Kama inaoza mule mbulongo. Après avoir pourri, c'est à ce que la semence va germer et faire sortir une nouvelle vie. Et c'est comme ça aussi dans la nouvelle naissance. Vous devez d'abord mourir. Mna pas kwanza kufwa. Et vous devez mourir. Na mna pas kufwa. Mourir comment? Kufa namna kani? Mourir à vous-même. Kufwa mwebenyeo. À toutes ces choses. Oui, ma vie, afin que vous puissiez maintenant naître de nouveau. Usudi mupate kuzali kwa sama lati. C'est ce que vous devez faire. Jo ile mna pas kufanya. Maintenant écoutez. Sasa mchi. Si vous ne mourrez pas, kama amukufwe. Vous ne pourrez pas revivre. Kusema amtao amwezi kuishi tena. Kama uitike kufwa. Si tu n'acceptes pas de mourir. Pamoja na Kristo. Avec Cristo. Ujima wa Kristo abutonekana. La vie de Christ ne va pas se manifester. Alléluia. Amen. Point 69. Il ne s'agit pas de tourner seulement la page. L'année passe. Cette année, Seigneur, je voulais mener une vie, une bonne vie. Ce n'est pas ça. Seigneur. Pas question de demander à Dieu, bois. Aide-moi, donne-moi l'amour. Biko impossible. Na kushindakana. Dieu au kupata mapendo. Pour avoir l'amour. Zalika mara ya pili. Naissez de nouveau. Kama unazalika. Lorsque tu es né de nouveau. Bushima kwa Kristo. C'est la vie. Bushima kwa Mungu. La vie de Dieu. Unaingia ndani ya. Oh, elle entre en vous. Il ne s'agit pas de tourner la page. Hapa ina mambo tu asema kubuyoza karatasi. Non non. Hapana. Mais lakini. De mourir réellement. Ni kufwa biabia kweli. Et de naître de nouveau. Voyez-vous, vous devez vous sentir si coupable. Lorsque vous vous tenez dans la présence de Dieu, que vous suiviez la voix de n'importe quelle église, je saute. Non, cela n'est pas important. Il a aidé à ma femme. Vous devez vous sentir si coupable dans votre cœur. Regretter réellement. Écoutez mes frères. C'est le regret à la vie du péché que Dieu a mené. Qui va tuer cette vie du péché à toi. Tant que tu n'as pas regretté. Tu te plais avec ce que tu fais. Le péché ne mourra pas. C'est quand vous Vous regrettez sincèrement devant Dieu. Le Seigneur, par la puissance de la parole et par la puissance de l'esprit, il va ordonner la mort du péché qui vit en toi. Ainsi tu deviens une nouvelle créature. On voit que tout le monde peut te regarder et dire que ce n'est pas la personne que nous connaissons. C'est ainsi que Paul pouvait te Maintenant, ce n'est plus moi qui vis en moi, mais c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Amen. Bien aimé frère, c'est comme nous étions dans le monde. Quelqu'un qui est en train de se noyer. Muntule e una lubana, e una ingia ana rubila mumai. Anazama na zibila, anazama mumai. Ah, il est en train de se noyer dans l'eau. E kuna kunwa mai. En train d'avaler le délice de l'eau. Et il ne sait pas nager. Kama ba mubambe atakufwa. Si on ne vient pas tenir cet homme, il va mourir dans l'eau. Est-ce que tu peux m'organiser ça? On est ensemble à l'église. Anakunwa mai. Il est en train de se noyer. Anajiba. En train de ramper d'eau. Et l'abdomen est rempli d'eau. C'est alors qu'on viendra aider cet homme à lui tirer. Lorsque vous le mettez à la rive et vous ne faites rien, cet homme va mourir. Même si vous l'avez déjà tiré des eaux, l'église, jusque-là, on est ensemble. On lui a déjà tiré dans l'eau. On lui met à côté à la rive. Mais si les gens ne font rien, c'est certainement on lui a déjà tiré de l'eau. Mais il va mourir à côté de la rivière. Nous tous, tels que nous sommes ici, nous sommes nés dans le monde et avec une mauvaise nature, avec des natures, avec une mauvaise vie. Regardez ces gens non riches qu'on parle. Marco, Kumi, Moussa, Yakoum, Nassab. Ces jeunes hommes riches, il est arrivé devant Jésus et poser la question, qu'est-ce que je veux faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a montré les 10 commandements. Lui l'a répliqué en disant, depuis mon jeune âge, j'étais en train d'observer ces commandements. Malgré garder ces interdits, ce n'est pas ça qui va nous donner la vie éternelle. Donc comment nous chantons que, en moi, je n'ai rien de bon. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est mon chiquier. Écoutez maintenant. C'est lui qui est à côté de la rivière. Lorsque vous voulez l'aider, pour qu'il puisse vivre, vous devez lui donner quelques coups de poing dans l'abdomen pour qu'il puisse vomir. La repentance. Kutubu. Nikutapika. Tuko na tapika kidunia. Si vous aimez encore le monde, kama unapenda tena dunia, ataka mauseme tu o, parce que hakuna mtu anasema mimi napenda dunia. Personne ne dira moi j'aime le monde, même si tu le dis pas tu o. Mimi napenda Yesu. On dit moi j'aime, beaucoup de gens disent que j'aime Jésus. Fumu, kama unamuuliza hivi. Même un des 20, si tu posais la question ce soir, unamkatala Yesu? Est-ce que tu refuses Jésus? Utasikia anakuambia hapana mimi sikumkatala. Il te dira non non, je n'ai pas renié Jésus. Hakuna mtu anaweza kusema mimi nakatala Yesu. Personne ne peut accepter de renier Jésus. Mais ce que tu fais, c'est ce qui prouve que tu as déjà renié Jésus. Il faut que Dieu nous aide. Non, on n'est pas de dire, de témoigner, j'accepte Jésus. Beaucoup de gens disent que j'accepte Jésus. Mais ils sont en train de vivre contrairement avec la parole. Est-ce que Jésus va les accepter parce qu'ils ont confessé qu'ils acceptent Jésus? Non. Écoutez ce que Branham dit. C'est très... ce qui est difficile. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Le 1er décembre 53. Le 1er décembre 1953. Paragraphe 19. Dans son paragraphe 19. Et alors. Ça. Le fait d'accepter. Kuitika tout. Kumuitika, hein? C'est ça, non? Cela ne suffit pas. Aïenele pali. Est-ce que tu peux m'organiser? On est ensemble. Le fait de dire je crois Dieu. Kusema toi c'est minamini Mungu. Ça ne suffit pas. A bien aller parler. Dieu doit confirmer aussi qu'il vous a accepté. Mungu na yeye anapaswa kuhakikisha sema mimi nakuitika. Alléluia. Amen. Voilà le problème. Njope kumambo. Vous pouvez l'accepter. Mwaye munaweza kumuitika. Weka tu kwa mtu moyo. Wewe unaweza kumuitika. Toi tu peux l'accepter. Mais Lakin, alors la condition est que kanuni ni kusema, lui aussi na yeye, il doit vous accepter. Anapasha na yeye kukuichika. Tenez-vous-en. Mushimamie pale. Ah, shimama imara. Tenez-vous-en. Shimama imara. À cela. Paile. Jusqu'à ce qu'il vous accepte. Kufika na pale yeye na hata kuichika. La seule manière de savoir que Dieu a agréé ta foi. Namna tu mwa kusema Mungu akujua kusema Mungu anakubali imani yako. C'est quand vous expérimentez la nouvelle naissance. Ni pale unaonja kuzaliwa mara ya pili. En dehors de ça. Inja ile. Vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Uko inja mapenzi ya Mungu. Vous servez Dieu, c'est vrai. Unamtumikia Mungu ya kweli. Mais vous êtes en dehors de sa volonté. Mais unamtumikia inja mapenzi yake. Lui aussi, naye, il doit vous accepter. Et alors, na sas, lorsqu'il vous accepte, pala ne mitchika, Il vous scelle dans son royaume. Alléluia. Lorsqu'il vous accepte, il te scelle maintenant dans son royaume. Et tu vas dire que je ne serai jamais perdu. Et les, même si les diables s'est levé, même si tous les démons de l'enfer s'énervaient, tant que Dieu m'a déjà sauvé véritablement, je ne serai jamais perdu. Même si on parle de l'enfer, ça, ça ne me concerne pas. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire? Pour terminer, l'exemple que je vais vous donner. Il y avait un homme. Cet homme, il avait deux serviteurs. L'un de ses serviteurs, son travail, c'était de préparer la nourriture. Et l'autre, son travail, il était jardinier, aménager la parcelle et tout. Jusqu'à là, on est ensemble, l'église. Quelqu'un semble être saint, mais dans son cœur, il sait que je ne suis pas saint. Écoutez maintenant ce que le diable fait. Dans la prédication de Frère Branham, Éden de Satan. Le paragraphe 16. Nous t'inquiète à combien la cite. Asema, la ruse du diable aujourd'hui. Asema, le obujanja bashetani. Il fait croire aux gens qu'ils sont chrétiens. Et qu'on a souvent amené pour amener aussi avec Christ. Il fait croire aux gens qu'ils sont chrétiens. Et la fin y a battu pour amener aussi avec Christ. Alors qu'ils ne le sont pas. Diable abana avec Christ. C'est compliqué. Ni à tard. Satan peut te faire croire que tu es sauvé. Parce que tu viens à l'église. Même les marabouts viennent à l'église. Les prostituées que vous voyez dans dimanche, les hôtels, le dimanche, ils se lavent aussi. Même si la nuit, il avait un amant. Mais le matin, ils ont des Bibles aussi. Elles ont des Bibles. Elle prend sa Bible, elle part aussi à l'église. Est-ce que c'est pour autant qu'elle est sauvée? Venir à l'église, ce n'est pas ça les salles. Mais un homme sauvé doit venir à l'église chaque jour. Maintenant, cet homme, pendant qu'il était en train d'arranger la parcelle, la coupe, en train de couper, le coupeur est sauté pour aller tuer un canard. Et ce canard était décédé. Et le boss était un homme colérique. Mais non, le cuisinier qui était à la fenêtre en train de quitter, il dit au jardinier, je t'ai déjà vu. Est-ce que jusque là, on est ensemble. Vous me suivez? Il dit au jardinier, je t'ai déjà vu. Ce que tu as fait, je vais t'acquiser chez le patron. Et les jardiniers disaient, si tu m'acquises, on va me licencier. Il dit non. Ce que tu as fait, j'ai déjà vu. Et je vais tout dire au patron. Le jardinier demande pardon. Si on me licencie, mes enfants et la femme vont mourir de faim. Il dit alors, si tu veux que je te puisse te pardonner, je vais te donner des conditions. Tout ce que je fais à la cuisine, toi tu le feras à ma place. Il y a quoi la maman? Salaire yako. Et ton salaire, $300, si tu touchais $300, on va diviser en deux. Tu me donnes 150 et moi je bouffe 150 pour te pardonner. On est ensemble. Donc, la chrétienté, c'est tout autre. Et cet homme, il a vraiment beaucoup souffert. Lorsqu'il arrive au travail, et le cuisinier, il est devenu le patron maintenant. Et lui aussi, il donne des instructions aux jardiniers. Donc les jardiniers, et les jardiniers travaillaient doublement. Il est devenu esclave de ses cuisiniers. Et tout. À la place du cuisinier, c'est ce que les jardiniers faisaient. Quand le cuisinier arrive, il signe sa présence et il va s'asseoir et commence à dicter les tâches aux jardiniers. Un jour, Le jardinier, j'ai dit, je vais mourir après tout. Là, je prends maintenant la décision. Je vais aller maquiller moi-même. Est-ce que tu peux pas m'organiser ça? On est ensemble, l'église. En Afrique, comme belle, boss. Est arrivé devant le patron. C'est patron. Il dit, boss. Où les rumiers? Je demande pardon. Il y a quoi? En tout cas, mina t'es 60. En tout cas, j'ai tant souffert. Mina ngaika. Je souffre. Patron, c'est tiens. Toi, dis nini nini. Ça, c'est quoi? Malade, y'a aucun biais. Tu es malade? Ah, c'est attends. Si la mougonjo. Non, je ne suis pas malade. Nous, on a mambo mulo. J'ai un problème dans mon cœur. Ni mambo kani. Il dit, c'est qui? C'est quel? Asema. Il dit, shikumoya. Un jour, j'étais en train de couper là dehors. Par hasard, par erreur, par hasard, j'ai tué votre canard. Et j'étais parti, j'étais. Et voilà, je me sens esclave. Et pardonne-moi, boss. C'est ça même le problème. À partir d'aujourd'hui, j'étais déjà pardonné. Ah, il n'y a rien. Et l'église, nous sommes ensemble. Il n'y a pas de problème. Et quand il est sorti, ah, il était maintenant têtu. Il arrive devant le cuisinier. Et le cuisinier est venu comme d'habitude, il s'est déjà habitué. Il dit, monsieur, tu vas faire la vaisselle. Il dit, je refuse. Va préparer la nourriture. Et il dit, aujourd'hui, je suis fatigué, je ne prépare pas. Il dit, il y a quoi? C'est à toi que je m'adresse. Donne le salaire. Donne le salaire. On vient de te payer, non? Donne-moi ma part. Il dit, je ne te donne pas. On est ensemble. Il dit, maintenant je vais t'acquiser chez le patron. Il dit, vas-y m'acquiser. Je me suis déjà acquisé. Amen. Si nous tous, nous arrivons devant Jésus et chacun de nous va s'acquiser pour ses péchés, ce diable ne peut pas nous dominer. Les diables nous dominent. Parce que nous voulons nous-mêmes cacher nos péchés. Mais si nous allons nous-mêmes à la croix, et toi-même tu dis à Jésus, Seigneur, je ne veux pas demeurer esclave. Et ce soir, tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Allons-nous tous à la croix. Prions Dieu. Lèvons-nous pour prier.